bienvenue à cette nouvelle émission de Rock de Neurones pour du bon rock progressif, nouveau et ancien. Et je serai en votre compagnie, c'est Jimmy Farley qui vous souhaite la bienvenue, et je serai en votre compagnie pour les deux prochaines heures. Et je vous propose aujourd'hui Bad Dreams d'Argentine, Bomber Goggles d'Angleterre, Rausch des États-Unis, Aperco d'Israël, Giorgio de Norvège, Oscillazioni Alchemico Creative. Ça, c'est un nouveau collectif d'Italie, très intéressant. On aura aussi The Frankie Valentine Project d'Australie, The Flower Kings, bien entendu, de Suède, et The Stock, groupe d'Allemagne. Alors, on débute avec l'album de la semaine. C'est un album qui m'a été suggéré par mon ami Paul Beaudoin de Shawinigan. Il a insisté fortement pour que j'écoute cet album-là, que j'avais essayé de trouver, mais qui n'est pas distribué de façon très... comment je dirais bien ça? C'est pas évident de le trouver. Alors, il me l'a fait écouter et je vous propose aujourd'hui trois extraits du dernier album, Chrysalis, qui est paru il y a déjà quelques mois. Mais c'est quand même d'intérêt. Et je vous souligne que Bad Dreams, c'est un jeune groupe d'Argentine qui est actif depuis 2015. Chrysalis, c'est le troisième en trois ans, en le fond. Donc, ils sont assez réguliers. Et puis, disons que pour cet album-là, bien, ils se sont adjoints les services de collaborateurs. Le non moins Steve Rotary de Marillion à la guitare, et on a aussi les sœurs Meg Broom, les chanteuses, ce qu'on appelle les backing vocals, qu'on peut voir ou qu'on a déjà vu avec Pink Floyd notamment, et les Rolling Stones, et aussi Rod Stewart. Alors ce sont des musiciens ou des artistes de qualité, et ça paraît sur l'album. Alors sans plus tarder, je vais vous proposer la pièce Limbo, ça va être suivi de Darkness, et on va conclure avec Butterfly. Alors voici Bad Dreams d'Argentine. Thank you. smoke. I heard it sound inside this limbo I have gained. My finest hours, so wild despair, to heal the other part, a game against my demons, a reckless fight to survive. Scream, I shall not leave the main. I'll be the king of my heart. Me a trail. Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est la formation argentine Bad Dreams et la pièce Butterfly. Ça, c'est extrait de Chrysalis, le troisième album du groupe qui est paru il y a quelques mois déjà. Et ça a été précédé du même album par la pièce Darkness et le bloc a débuté avec Limbo. Alors, un merci tout spécial à Paul Baudouin de Shawinigan pour avoir rendu ce bloc possible. Alors, après la pause, Bomber Goggles, Rush et Aperco. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, re-bienvenue à l'émission Rock de Neurones. Et pour ce deuxième bloc, on a une nouveauté des États-Unis. Le groupe s'appelle Bomber Goggles. C'est un groupe de quatre musiciens. C'est des groupes qui proviennent de formations. Par exemple, Peter Matushniak, lui, c'est un claviériste qu'on a vu avec Gecko Project. Et puis, il y a aussi le batteur Jimmy Keegan, un ex-membre de Spock's Beard. Alors, ils se sont regroupés pour produire un album qui s'appelle Gyroland. Et je vous propose deux pièces, c'est Uneasy Truth et puis Wistful Waves. Et après, ça sera suivi de formation, mais en fait, le musicien américain que j'ai introduit la semaine dernière, le groupe s'appelle Rausch. Et la deuxième pièce que je propose, suite à celle que vous avez entendue la semaine dernière, bien, ça va être Irked. Et c'est tiré de Book 2, son deuxième album. Et en fin de bloc, nous aurons Aperco, la formation israélienne, qu'on a déjà entendu à l'émission, parce que l'album, quand même, date de 2 ans. Et par contre, il y avait une pièce là, que je n'avais pas fait jouer encore, c'est A Call for Submission. Alors, on débute ça avec Bomber Goggles. Off to the north. Just this week, this one's the fourth. Chinese jets fly overhead. I feel a growing sense of dread. Lens flare, crosshair. Will they dare? Find spy satellites. A sun surfaced just last night. We are in their line of fire. Our seclusion is about to expire. Lens flare, crosshair. Will they dare? Trouble in the air. Shores of death, the morning wails, we've run out of breath. Will man prevail to save our ocean? There's nobody else, just you and I. Sacrifice, or we will surely die by the wistful waves. To run towards the ticking bomb and save our oceans. Together we have another chance, cast aside, and we may live to dance by the wistful waves. Hear me say, damned. try to make my way through one more day. I am running late, and you are in my way. All you care about is pay. You got the balls to say you think you got it made. Well, you are soulless and afraid. My personal self won't separate. My personal self won't compromise. Won't get put on no shelf, can't handle it. My personal self sees through the lies. So it gets banged around. Kick it down. You say I overreact and that I need to calm down. Well, if you have the knack for that, why don't you tell me how? I got some wiring inside, ain't what it's supposed to be. Can you help me to fight? Outfit me with ability to be happy. So if I lose my mind and it all goes to hell, it's all around. The time has come. Alors, c'était le groupe Aperco d'Israël et la pièce A Call for Submission. C'est extrait de The Battle, le seul album du groupe qui est paru en 2016. Et ça a été précédé de Rausch, un musicien de Philadelphie, qui nous propose la pièce Irked. Et ça, c'est tiré de Book 2, qui est paru il y a quelques semaines. Et le bloc a débuté avec une formation américaine, c'est-à-dire britannique, Bomber Goggles, et deux pièces extraites de l'album Gyreland. Et on a entendu Wistful Waves et Uneasy Truths. J'ouvre une petite parenthèse ici pour vous orienter vers la page Facebook de l'émission Rock de Neurones où vous pouvez retracer des pièces, les titres des pièces, les artistes qui les ont joués et les albums d'où originent les pièces. Alors, encore une fois, je vous rappelle que c'est sur la page Facebook de l'émission Rock de Neurones. Alors, après la pause, nous aurons Giorgio de Norvège, Oscillazioni Alchemico Creative. Ça, c'est d'Italie. Et on aura d'Australie le Franklin, le Frankie Valentine Project. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurone avec Jimmy Farley. Alors, pour débuter ce troisième bloc, nous allons du côté de la Norvège avec un groupe qui nous propose leur quatrième album. C'est le groupe Giorgio. Je le prononce peut-être mal, mais je vais vous l'appeler. C'est J-O-R-D-S-J-O. C'est un groupe de trois musiciens, donc c'est assez épuré comme musique. C'est dans les lignes de Wobbler, Angleguard, pour nommer les principaux. Giorgio a quatre albums. Ils ont fait paraître à l'automne leur quatrième, qui s'intitule Jord. Et je vous propose la pièce Jord 2. Et pour suivre ces musiciens de Norvège, nous allons du côté de l'Italie avec un super groupe. Et écoutez, c'est un nouveau groupe. Il se présente sur l'acronyme OAK. Ça, c'est pour Oscillazioni Alchemico Creative. C'est un groupe, c'est un collectif de plusieurs musiciens qui viennent de plusieurs horizons. Le principal musicien, c'est Jerry Cutillo, et puis on a j'ai pas malheureusement les références de ce musicien-là, mais il est assez actif. Mais on a quand même David Jackson de Van de Graaff Generator, on a Richard Sinclair de Caravan, on a Sonja Christina de Curved Air, on a Mart Alcock de Jethro Tull, Derek Wilson de Goblin. On a des musiciens aussi qui viennent de la formation Divé. Alors, tout ça, c'est un super groupe avec un super album. Moi, je l'ai placé déjà dans mon top 15 de 2018. Il occupe la deuxième place pour l'instant. Alors, je vous propose six extraits. Je vous propose un extrait. Les six extraits, c'est la semaine prochaine parce que je vais vous présenter... je vais vous le présenter comme album de la semaine parce qu'il est vraiment bon. Et la semaine prochaine, ça va être six pièces, mais aujourd'hui, c'est la pièce Sandal Rosie. Et c'est extrait de Giordano Bruno, leur premier album. Et pour conclure le bloc, bien, nous aurons de Frankie Valentine Project. C'est un groupe d'Australie que je n'ai pas beaucoup d'informations là-dessus parce que c'est une pièce, Gothic Horror, qui vient de l'album All in the Dream, et l'album All in the Dream n'est pas très facile à trouver. Moi, j'ai trouvé la pièce sur une compilation de la revue Prog, la revue britannique qui nous sort un CD à chaque livraison de revue, et The Frankie Valentine Project était là-dessus. Alors, on débute ça avec Giorgio, et on se revoit dans 24 minutes. Thank you. amore di virtualità, templi e divinità lontane ed impalpabili, verso vapori di terre barbare, io e te voleremo curvi senza sosta. Il buio muove le sue braccia ancora, invulnerabile, almeno per un'ora, finché la notte si alzerà, vieni qua, lasciando il bosco in trasparenza, la tua mano stringe un muschio sacro, la tua radice a terra da penetrare ancora, oceano, unica dimora misteriosa, ti alzi nella notte senza vento ed accendi i sogni miei. Respira lentamente, uccelli muti stanno a guardare la metà del mondo vinto dalla tempesta. La tua mano stringe un muschio sacro, la tua radice a terra da penetrare ancora, oceano, unica dimora misteriosa, ti alzi nella notte senza vento ed accendi i sogni miei. tempo della sirfide. Sei tu qui tra polveri e tra gas, da freddo esilio muovi al centro del sistema, muti spirito in materia, subliminale il tuo messaggio mi incatena. Non ho paura, sai, ti seguo negli abissi ed oltre ovunque andrai, vedrai. From days black and white, hiding your fear of those bones in the night. to that place between sleep and awake, where dreams can't control what is real, what is fake. The air grows colder, the TV goes black, you feel that your sanity's under attack. Lost in a room you don't know, in mazes of shadows and candlelit glow. As panic ignites, you run for the door, but your feet are so heavy they won't leave the floor. Your breath starts to short, your body goes weak. Too scared to scream, way too frightened to speak. The room starts to spin, you can't move or feel. A nightmare in motion, this cannot be real. All the monsters that lurk in the corners of dreams, caught in this limbo between heaven and hell. There's no sense of reason, no sight, touch or smell. Something's behind you, it's there on the stairs. You find yourself caught in the bind of its glare. You realize you where fear and evil collide. When the end is upon you, there's nowhere to hide. Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est un groupe australien du nom de The Frankie Valentin Project, et la pièce qu'ils nous ont proposée, c'est Gothic Horror, et c'est extrait de l'album All in a Dream. Ça, c'est paru en 2015. Et auparavant, nous avions la formation italienne Oscillazioni Alchemico Creative et la pièce Sandali Rossi. Et ça, c'est extrait d'un album qui est tout chaud, là. C'est Giordano Bruno. Et en début de bloc, nous avions la formation norvégienne Giorgio et la pièce Giord 2, tirée de l'album Giord. Alors, après la pause, bien, les réputés Flower Kings et une nouveauté d'Allemagne, The Stock. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, pour le dernier bloc de l'émission, on va avoir deux groupes. Le premier, c'est The Flower Kings, qui est quand même assez connu. C'est un groupe qui a été actif là, des années, à partir des années 95, en fait, 95-96. Et puis, le dernier album, qui est le 12e du groupe, Desolation Rose, est paru en 2013. Aujourd'hui, ben, je vous propose un petit retour en arrière en 1999 et l'album s'intitule Flower Power et la pièce qu'on va entendre, c'est Deaf, Numb and Blind. Et pour conclure l'émission, nous allons du côté de l'Allemagne avec un nouveau groupe du nom de The Stock. C'est un groupe de trois musiciens et ils nous proposent l'album Human Eyes et moi, j'ai extrait de ça, c'est la pièce Proletarian Suicide. Alors, on débute ça avec The Flower Kings. Thank you. spirit gone to gold, gone to justice, so we're told now. Gone the hunters, gone the gods, gone the speeches, gone the blood. Down the colors, down the peace, down the beauty, down the trees. Down the horses, down the ride, before the river cried. There's so much that we could have learned, still we let the forest burn. There's so much forgotten now, seems together. This world is tearing apart. These men, they live like forever. Try to find everyone's heart. This kind of people decision for living down on the floor. There's no way out for division. This world is out of control. Ain't no hope, no desire. One device, high and higher. Back to face, it's suicide. Thank you. answer your calling, your calling today. Confusion is growing all our way. Remember, the future is turning to past. The time we are living could be the last. Are crying, crying for rights. Kings of the world are drunk in the night. They care about nothing, nothing beside. But how could it be we turn suicide? C'était The Stock d'Allemagne et la pièce Proletarian Suicide. C'est tiré de Human Eyes. C'est leur premier album qui est paru en début de janvier de cette année. Et auparavant, nous avions la pièce Deaf, Numb and Blind. Ça, c'est tiré du quatrième album de The Flower Kings, paru en 1999. Et le titre de l'album, c'est Flower Power. Alors, ceci met fin à la programmation musicale de cette 190e émission de Rock de Neurones. Et avant de terminer, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez écouter cette émission en rediffusion les dimanches de 10h à midi et les mardis de midi à 14h, toujours sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières, et ça en direct. Et de plus, en différé, bien, l'album, c'est-à-dire la... L'émission est disponible sur SoundCloud, sur le web. Et dans la barre de recherche de SoundCloud, bien, vous n'avez qu'à taper le Rock de Neurones et vous allez atteindre l'émission qui était en cours cette semaine. Alors, pour les émissions archivées, je vous invite à consulter la page Facebook de l'émission Rock de Neurones. Et vous aurez un lien vers Prog Archive. Et sur ce site, il y a au-dessus de 110 émissions archivées. Tout ça a débuté en 2014 par rapport aux émissions archivées, sachant que l'émission, elle, dure depuis février 2013. Alors, sur cette même page Facebook de Rock de Neurones, vous allez avoir aussi des liens vers les chroniques des albums En fait, il y a 5 chroniques qui sont toujours disponibles. Et la dernière, ben, c'était Christian Brune's Inventions. Et, en général, j'ai beaucoup aussi de chroniques sur des albums italiens. Alors, ceci conclut la semaine et c'est Jimmy Farley qui vous invite à passer une belle semaine et à nous revenir pour une nouvelle émission de Rock de Neurone lundi 20h.